Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi, une poignée de secondes, vous êtes sur 106,6 MHz, la longueur d'onde de Radio Campus. Et vous apprêtez à écouter Angle d'attaque, l'émission Que dis-je, le magazine de l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Aujourd'hui, cinquième volet de notre travail de questionnement sur l'économie sociale et solidaire et le deuxième volet consacré au financement solidaire. Il y aura trois magazines consacrés au financement solidaire. Le premier, c'était en janvier. Nous recevions le président des Cigales Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marc Delamère. En mars, nous recevrons l'association Terre de Liens, qui aide au financement de celles et ceux qui ont choisi de travailler la terre, et ils sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de notre copain en d'angle d'attaque, Germain, qui a quitté son boulot d'informaticien et la région pour se former au maraîchage et plus tard s'installer à la campagne, sûrement en demandant l'aide de Terre de Liens. Et aujourd'hui donc ? Aujourd'hui, nous franchissons un seuil, celui des moyens, puisque nous accueillons des représentants d'une banque ayant pignon sur rue, le Crédit Coopératif. Une banque est plus visible qu'une cigale dans le domaine du financement, et je ne crois pas que les cigaliers nous en voudront de dire que nous franchissons un seuil. D'autant que le Crédit Coopératif est une vieille dame qui va sur ses 120 années d'existence. Nos invités vont certainement en dire un mot. Nous accueillons donc aujourd'hui Sylvie Capon, directrice d'une des deux agences de Lille, celle des associations et des particuliers, dont d'ailleurs je suis sociétaire, et Michel Marcortz, qui préside le comité de région du Crédit Coopératif. Il nous expliquera de quoi il s'agit. Mais pour le moment, nous ne dérogeons pas à la règle. On commence par les actualités d'attaque dans la métropole. Nous terminerons par nos lectures et les rendez-vous militants. Cette émission a été enregistrée lundi 11 février dans les locaux de Radio Campus. René, la lutte continue-t-elle pour la bataille de l'eau ? Je crois qu'un certain nombre de réunions que tu as annoncées ont eu lieu. Comment cela se déroule-t-il ? La bataille de l'eau continue et je dirais même s'amplifie. Alors pour rappel, bien sûr, plusieurs réunions ont eu lieu. Donc à Ronchin le 15 janvier, à Lille-Saint-Maurice le 23 janvier, à Villeneuve-d'Ascq le 6 février, à Lille également le 6 février, à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts, projection du film Water Makes Money, à Seclin le 8 février et à Lambersart le 13 février. D'autres sont bien sûr prévus, notamment à Waterloo le 27 mars avec intervention de Gabriel Amar, président de la régie publique de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. Et ces réunions, je vous le rappelle, ont pour objectif d'amener les maires à se positionner et à organiser de véritables débats citoyens dans leur ville. On peut noter une évolution aussi au niveau des élus, notamment après la réunion, le maire de Ronchin a proposé de déposer une motion et Gilles Pargneau envisage un débat au sein de la section PS de Lille. Un rassemblement au siège de LMCU, donc 1 rue du Ballon à Lille, a eu lieu le 15 février de 13h à 14h. C'était le jour de réunion du conseil communautaire et justement, s'y est tenue la première délibération pour le débat sur l'eau des élus communautaires. La délibération cadre est prévue en avril. Mais cette fin de janvier a été marquée par un événement judiciaire d'importance, voire l'article de la Voix du Nord du 30 janvier 2013. Les eaux du Nord, c'est-à-dire Suez, ont déposé plainte au tribunal administratif contestant les 115 millions d'euros réclamés par LMCU, au titre, je le rappelle, de provisions pour travaux non réalisés, et l'amendement lui imposant une réduction de 10% de ses tarifs, et également la résiliation du bail avant 2015. Sans vergogne, les avocats réclament 166 millions d'euros à LMCU au titre du préjudice subi par Suez. C'est magnifique. Cette stratégie, on s'en doute, vise à retarder l'échéance du remboursement des dettes, l'affaire pouvant aller bien sûr jusqu'au Conseil d'État, ce qui ferait, on s'en doute, traîner les choses un certain temps. Mais le plus préoccupant est le soutien apporté par le préfet aux eaux du Nord-Suez. Celui-ci a en effet déposé un recours réclamant l'annulation des avenants de LMCU. Autrement dit, l'autorité publique se porte au secours des multinationales contre une collectivité locale. C'est nouveau, on ne l'avait pas encore fait ce coup-là. Le collectif eau a réagi en publiant un communiqué dont je vous livre la conclusion. Dans ces conditions, il apparaît vraiment irresponsable de vouloir reconduire une délégation avec l'une ou l'autre des multinationales de l'eau, entités ayant fait la preuve de leur unique objectif, le profit financier au détriment des usagers. Seul le retour en régie publique permettra de revenir à une gestion saine de l'eau en lien avec les citoyens. Dans le même temps, nous renouvellerons notre demande d'un audit citoyen sur la dette des eaux du Nord-Suez à l'encontre de LMCU. Et le lendemain de la publication de ce communiqué, le collectif a reçu une lettre de Martine Aubry rappelant qu'aucune décision n'est encore arrêtée et reconnaissant la contribution du collectif à l'enrichissement de la réflexion sur la question de l'eau. Est-ce qu'elle est gentille maintenant ? Oui, et faisant savoir également que le manifeste du collectif était versé dans le dossier eau de LMCU. Voilà qui est plutôt encourageant. En effet, merci René pour ce long entretien là que tu viens de nous faire sur cette question-là qui est de plus en plus importante. Et puis, on voit quand même qu'il y a de la mobilisation dans les différentes communes que tu as citées. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, en Ronchin, ça s'est pas passé facilement. Le maire, tu l'as dit, était assez pour, mais c'était un peu compliqué pour la section des partis socialistes, je crois. Et je ne sais pas, le maire de Ronchin a eu quelques difficultés avec son conseil municipal, je crois. C'est ça, oui, lundi dernier, en effet. Je pense qu'il faut dire un mot des rencontres internationales, peut-être sur fond de crise toutes les deux, et pas la même, mais avec un sacré dénominateur commun, deux peuples qui souffrent. Oui, donc au niveau d'attaque nationale, deux événements importants dans les mois qui viennent. Le Forum social mondial de Tunis du 26 au 30 mars. Qui doit permettre des convergences avec les mouvements des pays du Maghreb et du Machrek, de renforcer les liens avec les nouveaux mouvements citoyens, comme les Indignés ou Occupy, et d'avancer dans la construction du mouvement social européen dans la perspective de l'Altersommet d'Athènes. Oui, alors à propos de Tunis, eh bien tout le monde est au courant de cet assassinat lâche contre le militant des patriotes tunisiens Chokri El Belaïd. Et je dois dire que Attac a été présent vendredi dernier sur le parvis des droits de l'homme, donc Place de la République à Lille, pour apporter notre soutien à l'association des Tunisiens du Nord de la France, qui avait fait une petite manifestation. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça s'est fait dans l'urgence, mais on a effectivement apporté notre soutien au mouvement tunisien et bien entendu pour nous à Attac Tunis. Oui, concernant la Grèce, je vous invite à lire le dossier du Monde diplomatique qui consacre quelque chose à la Grèce, notamment un article d'Alexis Tsipras, leader de Syriza, qui énonce ses propositions pour en sortir, et pas plus que trois graphiques qui montrent que les remèdes de la Troïka n'ont fait qu'aggraver le mal. En effet. Voilà. Eh bien, merci René, Christian, pour ce tour d'horizon du local au global. On fait une pause musicale. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter mes lamis noires. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. tout leur pardonner et me tenir tranquille. Il faudrait renier les couteaux de la ville. Bien petite bourgeoise, demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Il y a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine. Bien, je présente nos invités. Sylvie Capon, directrice de l'agence de Lille du Crédit Coopératif. Bonsoir madame. Bonsoir. Michel Macor, président du comité de région du Crédit Coopératif. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Avant de commencer, permettez-nous tout d'abord de dire un mot sur la démarche qui a abouti à votre invitation. Pour une association comme ATTAC, qui critique les fondements et les valeurs de l'économie néolibérale, il est tout aussi important d'avoir en même temps une autre vision du monde, de pouvoir penser un autre modèle de société. Cette vision du monde n'est pas une vision éthérée d'un avenir radieux et lointain. Nous pensons au contraire qu'elle ne peut se fonder que sur des valeurs reconnues, présentes dans notre société, mais qui sont aujourd'hui étouffées par l'économie néolibérale. Certaines de ces valeurs, qui vont nous permettre de nous émanciper de l'économie libérale, nous pensons en trouver dans l'économie sociale et solidaire. C'est la raison de notre exploration de l'économie sociale et solidaire une fois par mois sur Radio Campus. Et si vous êtes dit, c'est que le Crédit Coopératif semble être un des porteurs de quelques-unes de ces valeurs. La preuve, deux d'entre nous sont sociétaires et sont même invités à participer aux assemblées générales du Crédit Coopératif. C'est vous dire si nous vous faisons confiance, et cette façon d'inviter les gens aux assemblées générales, ça vient de loin cette idée de faire participer vos clients, Madame Capon ? Oui, tout à fait. En fait, cette année, nous fêtons nos 120 ans. Donc vous voyez, c'est pas tout récent, hein. Donc ça date de 1893. Et le Crédit Coopératif était à l'origine, à l'initiative de la coopération, en fait. Donc soit la coopération de production, donc notamment les SCOP, et la coopération, en fait, de consommation. Ensuite, vers les années 80, le Crédit Coopératif a élargi sa clientèle et nous adressons maintenant aux organismes d'intérêt généraux, c'est-à-dire les entreprises, les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. Et un peu dans tous les secteurs. Le capital est détenu chez nous par les personnes morales. Donc nos clients sont sociétaires, en fait, du Crédit Coopératif. Depuis quelques années, le Crédit Coopératif associe également les personnes physiques. Et notamment, il y aura une représentation des personnes physiques au conseil d'administration. Donc là-dessus, en fait, le fonctionnement est un peu particulier par rapport aux autres banques, puisqu'on est une coopérative de banques. Et le sociétariat, ce n'est pas un vain mot chez nous. Et en fait, les gens participent réellement aux décisions du Crédit Coopératif et font part de leur avis. Et c'est pourquoi Michel Macorp est présent également ici. Et il va pouvoir vous dire concrètement, en qualité de président du comité régional, exactement comment ça fonctionne. Au niveau du comité de région, l'intérêt en tout cas d'abord du comité de région, c'est d'être les représentants des différentes familles de l'économie sociale et solidaire qui se retrouvent autour de leur banque, parce qu'on est tous sociétaires et tous membres actifs, on va dire, de la banque. Ça a plusieurs avantages. Le premier, on va dire, c'est au niveau de l'ensemble des familles de l'économie sociale, c'est d'être autour de la même table et de pouvoir avoir un échange sur quel outillage on a besoin au niveau bancaire. Et quelles pourraient être les réponses qui pourraient être apportées par le crédit coopératif au regard des besoins recensés sur le terrain. On n'est pas là pour se représenter soi-même, mais pour représenter l'ensemble des familles de laquelle on est originaire. Je vais poser deux questions, répondez-y, merci. La première, oui, on est réellement participant à la vie du crédit coopératif en tant que sociétaire quand on est au comité de région, et on a vraiment devant nous un interlocuteur qui est à notre écoute. Qui est à notre écoute pour tenter de trouver des solutions et des produits qui sont adaptés, mais aussi un interlocuteur qui donne des réponses aux questions que l'on pose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question qui est taboue et il n'y a aucune réponse qui est taboue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on part sur un sujet, sur une difficulté, il y a un travail de fond qui est fait par les techniciens du crédit coopératif. Nous, les membres du comité de région, on est avant tout des intermédiaires entre les clients et la banque, et on est là pour apporter la question. On n'est pas là pour apporter la réponse. On ne l'a pas, de toute façon technique. En tout cas, il n'y a pas de souhait de frein du crédit coopératif sur l'évolution des dispositifs. Alors, excusez-moi, j'ai une petite précision. Est-ce que vous êtes membre du crédit coopératif vous-même ? Non. D'accord, c'est bien ce que je voulais bénévole. Comprendre. C'est-à-dire que les membres du comité de région le font au titre soit de leurs organisations ou à titre personnel. C'est l'exemple des représentants des ports de Parpé, hein, tel qu'un de nos administrateurs, enfin un des membres du comité de région qui représente les gens, mais à son titre personnel, si je puis dire quasiment. On n'est pas là au titre d'être salarié du crédit coopératif, du tout. Alors, quel type de... Alors, je comprends bien l'interfaçage. Vous êtes à l'interface entre le crédit et les clients. Vous êtes vous-même représentant d'une société ou vous êtes un sociétaire ? Moi, j'y suis en tant que représentant des bailleurs sociaux, c'est-à-dire de la famille des bailleurs sociaux. D'accord. Entendu. Alors, justement, donc, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de savoir quel type de financement vous faites ou comment, puisque vous en parlez, le financement le plus adapté. Alors, pour les bailleurs sociaux, c'est peut-être un peu particulier, mais je suppose que vous n'êtes pas seulement avec les bailleurs sociaux. Ah non, non, non. Le comité de région est composé de, globalement, toutes les familles de l'économie sociale. Ça va des représentants de l'insertion par l'économique par le biais de l'URIA. Vous avez l'URIOPS qui est présent aussi pour représenter tout ce qui est médico-social. Vous avez le monde des petites entreprises qui est représenté par quelqu'un qui est en lien avec le bâtiment. Vous avez des représentants de la finance en termes d'investissement. Vous avez après des représentants de mutuelles et de coopératives. Par exemple, les SCOP sont partie prenante du comité de région et représentent donc la famille générale des SCOP, bâtiments et autres. Et oui, on est là aussi, on est là à ce titre-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se représenter soi-même, et mais surtout pour faire avancer les choses. Alors, au niveau des produits, pour répondre tout de suite à notre question à nous en tant que sociétaire, c'est de savoir à quoi sert notre argent. C'est une bonne question, merci. C'est une des premières choses, et je pense que là, au niveau du crédit coopératif, et on en a l'expérience, ne serait-ce que de la semaine dernière, où on a monté ce qu'on appelle un club agir, qui sont les représentants, qui sont les personnes qui déposent de l'argent et qui souhaitent savoir ce que devient leur argent. Au crédit coopératif, aujourd'hui, dans le cadre du club agir, les personnes flèchent entre guillemets leur argent, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, nous on souhaite que notre argent tel qu'il est placé aujourd'hui valorise ou soit aidant à la création d'entreprises, par exemple, ou à la création d'emplois, ou au travailler ou de durable ou à la protection de la planète. Alors bien entendu, au bilan, on ne vous dira pas les X francs ou X euros que vous avez mis à servir à telle entreprise, mais globalement, on vous dira voilà sur quel champ on est allé et voilà où est allé votre argent. Traçabilité du financement de la personne. Voilà. Madame Tout Capon. À fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que par ce biais-là, sont les dépôts des clients qui servent en fait au crédit. Et donc, on finance l'économie réelle, en quelque sorte. Et le but, en fait, par la suite, on essaie déjà un peu maintenant, mais c'est tout nouveau, notamment dans le cadre du compte tracé, c'est de cibler les dépôts des clients au niveau local servent en fait à des financements locaux. D'accord. Alors, vous ne pouvez pas savoir, vous faites plaisir en disant ça, parce que vous savez peut-être, si vous connaissez Attac, notre souci de faire en sorte que ce soit l'économie réelle qui soit financée par les banques et non pas le financement pour le financement. Quoi. Donc, on savait bien en vous invitant que c'était plutôt comme ça, que vous étiez une banque de dépôt, de fait, et il y a surtout, j'apprends là, enfin j'apprends pas, mais je savais un peu, et qu'il y a quand même un suivi pour les sociétaires de l'argent qu'il place chez vous. René, tu vas poser une question, oui. Oui. Il y a aussi maintenant, je crois, par l'intermédiaire du compte courant Agir, la possibilité pour le client, qu'il soit sociétaire ou non, de choisir, du moins sinon l'association, du moins le type d'action qu'il veut financer. Effectivement. En fait, au niveau du crédit coopératif, on a une gamme qui s'appelle Agir, au sein de laquelle il y a donc divers produits, soit des livrets, effectivement, délivrer. Donc là, on est dans le cadre de l'épargne. Donc la personne place de l'argent et décide de donner une partie ou la totalité des intérêts à une association de son choix. Et ensuite, il y a effectivement tout récemment le compte Agir, où là, l'argent qui transite par le compte peut servir à financer un domaine choisi également par la personne. Donc le domaine, c'est soit pour agir pour une société plus juste, soit agir pour entreprendre autrement, soit agir pour la planète. Et donc, en fonction du choix, la personne, en fait, sait que l'argent qui transite par ce compte servira à financer, en fait, des projets relevant du domaine qu'elle a choisi. Alors, essentiellement, donc, de l'économie sociale et solidaire, mais on l'avait un peu évoqué lors de notre rencontre pour préparer l'émission. En fait, faire un peu de provocation, vous êtes sur un bon créneau, en fait, actuellement, avec l'économie sociale et solidaire, oui ou non ? On n'a pas entendu ce qui se passe aujourd'hui pour être sur ce créneau-là. Le compte Agir, d'abord, existe depuis de nombreuses années. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le fait d'être sensibilisé par les problématiques des autres n'est pas récente non plus. On a l'expérience, par exemple, du travail avec les tutelles, où on a créé une carte spécifique qui, aujourd'hui, est reprise par d'autres, qui s'appelle la carte Astel, qui permet à des gens qui sont en situation d'être sous tutelle de pouvoir quand même avoir un compte et de pouvoir gérer une partie de leur compte. C'est-à-dire que le crédit coopératif a toujours été quand même dans l'avancée pour les personnes. C'est pas l'outil technique qui est important, c'est les gens qui sont derrière cet outil technique. C'est d'abord l'humain qui est important. Et au niveau, là-dessus, au niveau des produits solidaires tels qu'ils sont créés aujourd'hui, c'est des associations ou des organisations qui aujourd'hui apportent un service à des gens qui en ont besoin. Quand c'est de la création d'entreprise, souvent c'est lié à l'économie sociale de fait, mais c'est le cœur du crédit coopératif sur le concept. De toute façon, on n'a pas attendu qu'il y ait ce retour vers le côté social et économie sociale aujourd'hui, qui est le balancier de ce qui vient de se passer pendant quelques années. On était déjà dedans, avant. Ce qui agace aussi certainement un certain nombre d'autres milieux bancaires, parce qu'on a, on va dire, un temps d'avance par rapport à ça. Et on est, il y a l'emblème qui est souvent donné par notre président à Paris, qui est de dire on est une banque utile, mais pour être utile, il faut savoir ce dont ont besoin les gens. Et c'est par ça qu'on commence. On peut le comprendre comme ça, en effet. René. Je voulais d'ailleurs souligner, vous avez été en association avec le CCFD. Oui, en 1983. On a créé, en fait, c'est ce que je souhaitais dire, le premier produit en fait, solidaire, c'était fin et développement. Donc à l'époque, effectivement, c'était pour le tiers-monde. Et depuis, on a toujours créé d'autres produits, donc on s'est développé dans ce cadre-là. Alors c'est vrai que les autres établissements bancaires nous ont imités et on est de plus en plus imités. Donc ça veut dire qu'on est certainement dans le bon chemin, puisque bon, quand on nous imite, c'est que généralement on imite les bonnes choses. Et donc il nous faut, nous, à notre niveau, toujours avoir de l'avance. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau de cette fameuse gamme Agir, on essaie de l'étoffer et de l'aménager sans cesse pour dire de garder l'avance par rapport au financement de l'économie sociale et solidaire. Et on peut d'ailleurs ajouter que si les banques classiques vous suivent, se positionnent aussi sur ce créneau de l'économie sociale et solidaire, c'est pas dans le même esprit que le vôtre. Alors, on va dire que, bon, en ce qui nous concerne, effectivement, nous, ça, comme Michel l'a précisé, c'est quelque chose de fondamental pour nous et ça a toujours été notre moteur, je dirais, au niveau du crédit coopératif, souhaiter de développer l'économie sociale et solidaire, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a 120 ans et, bon, au départ, c'était bien la coopération déjà à l'époque. Donc nous c'est vraiment c'est dans nos gènes en fait au niveau de l'économie sociale et ce qu'on souhaite c'est justement accompagner, être une banque utile et accompagner les gens pour justement ce que vous disiez également tout au début, c'est faire bouger le monde, c'est-à-dire un petit peu à notre niveau, bon on n'est pas avec des petites actions, essayer de faire bouger le monde en fait à notre niveau. Alors, je ne devrais pas vous poser cette question, mais les autres banques là, qui commencent à vous imiter, puisque c'est ce que vous dites, en fait, vous en pensez quoi là, de ce qui se passe actuellement dans le milieu bancaire ? C'est-à-dire bon, des réformes, les banques comme la BNP, est-ce qu'elles s'engagent dans l'économie sociale et solidaire ? Ça ne se voit pas vraiment. Vous avez un avis là-dessus ou... Au niveau de la réforme des banques, en fait, en ce qui nous concerne, on est une banque de dépôt, en fait. On n'a pas de banque d'investissement, ce qui veut dire qu'en fait, on n'intervient pas, on n'a pas d'action spéculative. Donc nous, en fait, on agit bien pour le financement de l'économie réelle. Ce sont les dépôts de nos clients qui servent en fait à prêter. Ensuite, effectivement, au niveau de la crise qui vient de se passer, c'est vrai qu'on peut penser que la crise nous est favorable. Alors effectivement, elle nous est favorable dans le sens où beaucoup de personnes se reposent, les bonnes questions, c'est-à-dire en fait, d'où vient notre argent, qu'est-ce que vous en faites. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes physiques qui se tournent vers le crédit coopératif parce que ces personnes considèrent que le crédit coopératif... avec sa façon d'agir et son fonctionnement, permet de répondre à leurs attentes. Ensuite, au niveau des autres banques, effectivement, les autres banques s'intéressent à ce secteur-là. Bon, c'est à nous, en fait, à toujours garder, justement, ce que je disais tout à l'heure, notre avance, en fait. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne notre clientèle, on a quand même de plus en plus de clientèle, ce qu'on appelle affinitaire, c'est-à-dire très sensible à la notion de valeur, en fait. Affinitaire. Vous pouvez expliquer ce mot, s'il vous plaît. Si vous voulez, ce sont des clients en fait qui sont sensibles à. Des sociétaires plus, non, c'est pas ça. C'est pas des sociétaires plus, c'est-à-dire en fait, éventuellement, on peut le dire comme ça, mais c'est pas une notion de valorisation. C'est plus en fait que ce sont des personnes effectivement qui sont devenues sociétaires, qui donc détiennent du capital, mais qui en fait agissent pour le crédit coopératif, c'est-à-dire pour son développement, et notamment seront très sensibles à la prise de produits, de partage, et souhaitent développer justement les associations avec lesquelles on a des relations dans le cadre de cette fameuse gamme Agir. Monsieur Macor. Ce qui est intéressant à observer en tant que moi externe et non salarié du crédit coopératif, c'est l'évolution de la clientèle aujourd'hui, de la clientèle des particuliers, où il y a quelque chose depuis 2-3 ans que je trouve drôlement bien, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ouvrent des comptes crédit coopératif parce qu'ils y retrouvent un certain sens. Sur le sens de leur argent et à quoi va servir leur argent. Voilà, je trouve que ça c'est bien, parce que c'est une note d'optimisme et ça fait du bien de savoir qu'aujourd'hui les jeunes ont une autre conscience de ce qu'est l'argent, que la valeur de l'argent, ils la voient plus de la même façon que ce qu'on a pu les voir depuis une vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui on veut donner un sens à son argent et on veut qu'il soit utile dans un esprit de solidarité qui semble se perdre, et en réalité chez les jeunes il est en train de revenir autrement. La notion du temps, la notion de la valeur, je pense qu'elle est en train de complètement se modifier, et les jeunes sont en train de nous le prouver, ne serait-ce que par le nombre de jeunes qu'on voit arriver aujourd'hui au crédit coopératif et ouvrir des comptes. Et d'y participer en plus, parce qu'on a un rajeunissement aussi et une participation. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, justement. Peut-être pouvez-vous nous donner quelques chiffres de ce que représente actuellement la finance solidaire. Il semble, justement, il y a depuis quelques années une progression justement de déplacements ou de... Alors, au niveau déplacements, puisqu'on parlait notamment de la gamme Agir, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, au niveau des produits de partage, alors au niveau national du crédit coopératif, en 2012, il y a eu 5 millions de dons de réaliser grâce aux produits de partage, à l'ensemble, enfin produits de partage et produits solidaires dans sa globalité en fait. Oui. Donc 5 millions de dons, donc c'est quand même pour les associations en fait au niveau national. C'est ce qu'on appelle au Crédit Coopératif les dons, l'épargne de partage. Voilà. À différencier des investissements. Reversés aux associations. Voilà. C'est ça. Alors effectivement, au niveau des produits de l'épargne solidaire, il y a trois types de produits. Il y a les produits de partage, où effectivement les gens, par exemple, optent pour un livret et donnent une partie de la rémunération ou la totalité à une association. Ensuite, vous avez des fonds communs de placement, dans lesquels, en fait, fonds communs de placement ou SICAV, dans lesquels il y a une partie, généralement c'est 10%, consacré à des investissements au sein de structures relevant des entreprises solidaires, en fait. Et puis également, donc, vous avez la partie SICAV ou FCP éthique, c'est-à-dire qu'en fait, là, le gestionnaire choisit en fait les investissements qu'il fait dans cette SICAV. C'est-à-dire qu'il va prendre que des entreprises qui font attention à l'environnement, qui au développement durable, à l'humain, etc. C'est ce qu'on appelle les placements ISR, investissement socialement responsable. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Et à propos de l'agence de Lille, je crois que c'est une des... Elle se classe parmi les 10 meilleures agences. Au niveau de l'agence de Lille, en fait, dans le cadre du Crédit Coopératif, c'est une agence donc importante en fait au niveau nombre de salariés déjà, puisqu'en fait nous sommes 23 salariés, donc c'est une agence importante pour le Crédit Coopératif. On a environ au niveau de la clientèle, donc Lille Centre, on y retrouve essentiellement des organismes d'intérêt généraux et des particuliers. Donc au niveau, pour donner quelques chiffres, il y a environ 1300 clients organismes d'intérêt généraux et 2400 clients personnes physiques. Et ensuite, on a une clientèle aussi très importante qui est la clientèle de personnes sous tutelle qui sont gérées donc par, qui est gérée par des associations tutélaires. Et là, bon, globalement, il y en a pour 9500 au niveau clientèle. Pas 9500 associations, hein, 9500 personnes physiques. Vas-y. Oui. Donc, je me demandais aussi, au niveau du sociologique, votre clientèle est plutôt composée, est-ce qu'on peut dire en général, plutôt de personnes plutôt favorisées, plutôt instruites, ou alors plutôt... Est-ce qu'il y a aussi des gens de milieu un peu modestes? C'est le sociologue qui parle, là. Oui. Je dirais qu'en fait, au niveau de la clientèle des personnes physiques, cette clientèle relève un peu de tous les milieux. À la fois, oui, franchement, c'est un peu tous les milieux. En sachant que, bon, effectivement, la clientèle jeune, voire un petit peu moins jeune, s'intéresse de plus en plus, en fait, à ces aspects spécifiques et notre fonctionnement, en fait. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un créneau bien, bien spécifique. Je peux compléter votre question aussi par le fait que, on disait tout à l'heure, il y a un bon nombre d'associations, entre autres tutélaires, qui participent à la vie du Crédit Coopératif. Il y a aussi des établissements du secteur médico-social qui ont très très souvent en charge des jeunes ou des adultes qui évoluent dans le temps. Et ces jeunes et ces adultes ont pris l'habitude de travailler avec le Crédit Coopératif et continuent à venir au Crédit Coopératif après parce qu'il y a une certaine proximité. C'est une des rares banques où les personnes, vous disiez, à faible ressource ou à faible capacité, qui arrivent au Crédit Coopératif, c'est quand même bonjour monsieur, bonjour madame. Et ils sont accueillis comme tout autre client. Il n'y a pas de, différenciation et il n'y a pas cette barrière qu'on peut trouver à certains endroits, enfin sans dire de mal des autres banques. Il y a quand même, ça c'est important. Alors pour le coup, tu voulais préciser peut-être Je me demandais un petit peu, bon, au niveau des territoires, est-ce que vous êtes implanté, pour prolonger un peu ma question de départ, donc est-ce que vous êtes implanté également dans des quartiers populaires ou alors c'est des quartiers, bon, Ça relève un petit peu de l'histoire du Crédit Coopératif. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas effectivement des banques à tous les coins de rue, contrairement à d'autres réseaux bancaires. En fait, le Crédit Coopératif, à l'origine, était un établissement pour les personnes morales. Donc effectivement, sur la France, on n'a que une bonne 70 agences à peu près. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, on a donc une agence sur Arras, deux agences sur Lille, donc Lille-Centre d'où je viens, et une autre agence plus spécifique au niveau entreprise. Et ensuite une agence sur Dunkerque pour tout ce qui est littoral, Nord-Pas-de-Calais. Donc effectivement, on a développé beaucoup tous les systèmes de fonctionnement et les outils de consultation de comptes, etc. Parce qu'en fait, on considère que ce qui est important en fait au niveau de la relation avec la clientèle, c'est surtout qu'il y ait une personne, un chargé de clientèle affecté à chaque client. Et qu'en fait, beaucoup de choses peuvent être traitées informatiquement. Et par contre, le chargé de clientèle sera en lien avec son client lorsqu'il s'agit, si on parle d'un particulier, par exemple, au niveau du financement de sa maison. Hein, mais bon, c'est un projet bien spécifique. Ça ne se fait pas tous les jours. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence ou une agence juste à côté de soi. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un chargé de clientèle affecté et qu'il puisse soit par téléphone, soit en se déplaçant, résoudre le besoin du client. Alors on a évoqué cette question, je reviens sur la réponse de M. Macor tout de suite. Le chargé de clientèle qui reçoit un client, vous avez dit que ce n'est pas forcément des personnes très favorisées, vous leur vendez des produits, ça se passe comment? Des produits financiers, je suppose que pas trop. Fonction du besoin du client et de ses capacités, puisque bon, même si on est une banque, je veux dire, dans l'économie sociale et solidaire, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et par conséquent, en fonction du besoin du client et de ses possibilités, on lui offrira le produit le mieux adapté. Et on lui expliquera, éventuellement, c'est vrai que parfois il nous arrive de ne pas pouvoir satisfaire le souhait, je dirais, premier du client, mais à ce moment-là, on essaiera de lui expliquer pourquoi, en fait, il ne peut pas faire telle et telle chose, et on essaiera de trouver éventuellement une autre solution si c'est possible. Voilà, ma question est en écho à deux choses. La première, c'est ce qui est évoqué tout à l'heure, on n'est pas une banque à tous les coins de rue, et donc, si c'est une banque à tous les coins de rue, il faut la faire vivre. Il faut vendre. Et ce qu'on avait pointé à une époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'enquête faite par les Amis de la Terre et Attac il y a maintenant un an et demi, où on avait effectivement remarqué deux choses pour le crédit coopératif. D'abord la transparence et surtout, il n'y a pas de prime ou de surprime pour la vente de produits, en plus à des gens qui généralement n'ont pas les moyens ni le besoin de produits. Donc vous nous rassurez sur ce côté-là. Voilà, tout à fait. Et c'est aussi, je crois qu'on peut l'ajouter, la démocratie, en fait. Les grands mots, René. La démocratie par le biais, effectivement, du fait d'être sociétaire. Voilà. La démocratie par le sociétariat et les représentants qu'il y a de la société globalement, mais aussi sur le professionnalisme. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'au crédit coopératif, on ne vous vend pas un produit, ça c'est clair. Mais moi, j'ai été utilisateur, on va dire, de besoins par rapport au crédit coopératif dans mes vies professionnelles. Il y a un avant, il y a un pendant et un après. C'est-à-dire que à l'avant, quand vous êtes demandeur d'un produit, il y a une vraie analyse qui est faite avec des gens compétents et des gens qui connaissent votre secteur d'activité. C'est un peu la différence aussi au crédit coopératif, c'est que les chargés de clientèle que vous rencontrez parlent le même langage que vous parce qu'ils savent de quoi vous parlez. Mais pourquoi ils savent de quoi vous parlez? Parce que ça fait partie de l'esprit du crédit coopératif que de bien connaître les structures avec lesquelles on travaille globalement, c'est-à-dire les familles globalement, pas la structure en tant que telle, l'identité telle, mais en tout cas les familles. Et donc le chargé de clientèle s'est approprié la problématique globale des familles de l'économie sociale différentes. Il répond à votre besoin, pas seulement en parlant finance, mais aussi en parlant projet. C'est-à-dire que si vous arrivez pour une demande de moyens, il va d'abord tenter de comprendre votre projet et vous accompagner dans la réflexion de votre projet avant d'aller vers le besoin économique, pour qu'il soit le plus adapté par rapport à votre projet. Et c'est très différent d'une autre banque, ça? Dans une autre banque, c'est une analyse de bilan qui est faite, point. Là, vous avez non seulement le travail sur le fond, sur le financier, c'est évident, c'est quand même un établissement financier aussi, donc c'est regardé, mais c'est pas regarder simplement sur le côté financier, c'est regarder en lien avec le projet. C'est complètement fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'il y a un apport à la fois financier, potentiel, mais il y a aussi un apport, on va dire, pratiquement cérébral ou technique qui vient vous apporter dans votre réflexion. Parce que c'est vrai que quand vous êtes sur un projet, vous êtes plongé dans votre projet et parfois vous avez des choses qui ne vous font pas tilt du tout. Et là, le chargé de clientèle, il sait de temps en temps donner l'étincelle, parfois l'idée supplémentaire qui fait que votre projet sera bon. Alors, on a entendu des choses pas très éloignées avec le président des Cigales le mois passé. Alors, vous faites une différence, on change de niveau, on est bien d'accord, on change de seuil, hein, bien sûr. Mais vous financez des projets jusqu'à hauteur de quoi? Vous n'avez pas financé le Grand Stade, rassurez-moi. Non. En fait, au niveau des projets, il n'y a pas de montant véritablement défini. C'est toujours en fonction de la capacité, en fait, de la personne et du projet et de ses capacités de remboursement. Par contre, bon, effectivement, on n'est pas sur des clients avec des montants exorbitants. Hein. On est plus sur des structures malgré tout moyennes. Bien que, bon, on arrive quand même à faire des investissements aujourd'hui plus importants qu'il y a quelques années, ne serait-ce que, bon, en faisant partie aujourd'hui du groupe des banques populaires également. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'on joue beaucoup sur la pérennité, en fait, des structures. C'est ce que voulait un peu dire Michel. Et donc, ce qui nous importe surtout, c'est au Crédit Coopératif, on a l'habitude de dire qu'on ne fait pas de coûts. Mais on travaille beaucoup sur la pérennité, c'est-à-dire l'accompagnement du client tout au long de sa vie, en fait. À la fois au moment où tout va bien et puis au moment aussi où éventuellement il y a quelques difficultés. Et au niveau des structures dont vous parliez tout à l'heure avec les Cigales, bon, nous, on les connaît bien. Et en fait, en ce qui concerne les petites entreprises, par exemple les créations d'entreprises, on s'en occupe également. Mais ce qui est le plus important pour ces structures-là, c'est l'accompagnement. Le financier, c'est important effectivement de trouver de l'argent, mais il faut surtout en fait que ces structures soient accompagnées. Et donc, on essaie d'avoir autour de nous tout un réseau, un certain maillage. Et donc, notamment sur ces structures-là, on travaille beaucoup avec Caisse Solidaire, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais, le Nord Actif, les structures de France Active, les Cigales, Autonomie et Solidarité, pour trouver en fait la meilleure solution. C'est justement la question que je voulais aborder. Mais il y a peut-être un dernier point où l'économie sociale et solidaire, du fait de la crise, semble en expansion, c'est-à-dire prendre une part de plus en plus importante dans l'économie globale. Qu'en pensez-vous ? Bah, je dirais que comme en fait on est et on se veut être la banque de l'économie sociale et solidaire, bah, c'est une bonne chose. Donc on est assez satisfait de cela, dès lors qu'en fait toutes les valeurs que l'on défend sont bien mises en avant et sont utilisées. Et notamment, bon, en ce qui nous concerne, on est très fiers là, tout récemment, on a été la seule banque en France à entrer dans un réseau de 20 banques éthiques au niveau mondial, qu'on appelle le GABV, c'est l'Alliance mondiale pour une banque basée sur les valeurs. Et donc, en fait, le Crédit Coopératif a été reconnu comme développant des valeurs humaines, en mettant donc l'humain toujours au centre de l'ensemble de ses préoccupations. Et donc également au niveau des financements que l'on peut faire, etc. Donc ça, on est très fiers de ça. Et en forme de conclusion, vraiment, les autres banques, elles sont où? Vous travaillez avec elles, les banques étrangères? Alors, avec les banques étrangères, on a quelques relations, effectivement. Mais je pense que bon, tout cela est géré au niveau national. Mais beaucoup plus avec, je pense qu'on a certaines affinités. Et à ce moment-là, ce sont plus des banques qui ont les mêmes finalités que nous, et notamment les banques éthiques, hein, au niveau étranger. En Europe? En Europe, effectivement, je sais qu'on a pas mal de contacts avec l'Italie notamment. Entendu. Merci beaucoup pour cet entretien, fort sympathique. Merci également. Merci de vous être déplacé, surtout le soir, comme ça, dans la neige. C'est pas grave, merci. Bonne soirée, bon retour chez vous. Merci. Bonne soirée aussi à vous. Merci, bonne soirée. Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ? Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors ? Alors ? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi. Je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie. Puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas. Je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué ça? Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant. Alors? Putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non non, mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Les lectures, c'est René, Christian. Oui, alors un ouvrage de Fabien Desage et David Guéranger. La politique confisquée, sociologie des réformes et des institutions intercommunales. C'est paru aux éditions du Croquant en mars 2011. Ça nous vous coûte 20 euros pour 247 pages. Ah, que voilà un bouquin utile pour celles et ceux qui veulent connaître les dessous de la politique locale. C'est sûr que vous ne trouverez ni dans La Voix du Nord, moins encore à FR3, ce dont il est question dans l'ouvrage de ce chercheur de l'École des Ponts de Paris et de ce maître de conférences de l'île 2. Ouvrage qui ne se contente pas d'être une mine d'informations sur une longue période, c'est aussi une certaine façon un ouvrage pédagogique sur quelque chose de peu connu des citoyens, les EPCI, ou plutôt les dessous des EPCI. Que sont les EPCI et pourquoi ça existe ? Les EPCI sont des établissements publics de coopération intercommunale. Sous ce terme, on retrouve les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de villes, les communautés de communes. En un mot, des assemblées où sont nos élus et qui n'ont pas été élus pour y être. Ils sont ce qu'on appelle des élus de second rang qui siègent dans des assemblées d'élus. Pourquoi des établissements de coopération intercommunale ? Parce qu'il fallait rationaliser. Rendez-vous compte, au temps de l'Europe des 15, il y avait autant de communes en France que dans les 14 autres pays de la communauté. Soit 36 000, hein, tout le monde sait qu'il y a 36 000 communes en France. Donc il fallait regrouper, rassembler, réunir pour avoir des politiques cohérentes le plus possible communautaires. Je vous fais grâce de l'historique de tout ça, c'est dans le bouquin « Je veux aller à l'essentiel ». Et pour vous mettre l'eau à la bouche, sachez que nos sociologues se sont penchés particulièrement sur deux communautés urbaines, celle de Chambéry et, bien sûr, celle de Lille. Ça n'aurait pas de charme autrement. Notons tout de suite que la LMCU, c'est ni pire ni mieux qu'une autre. C'est une communauté urbaine comme les autres, c'est-à-dire, et c'est là-dessus qu'insistent beaucoup nos auteurs, un lieu de consensus entre des gens qui s'étripent pendant les campagnes électorales, mais qui se reconnaissent très vite des affinités lorsqu'ils sont ensemble dans la communauté urbaine. Il y a bien sûr la domination de la ville-centre, pour nous c'est évidemment Lille, et nos auteurs de signaler en revanche la courtoisie qui est de mise dans les réunions publiques de la communauté urbaine. Tout se passe en bureau ou dans les commissions. Qu'est-ce qui s'y passe? Et c'est là que c'est essentiel cet ouvrage. Du marchandage, le plus souvent où domine beaucoup moins l'esprit communautaire que l'esprit municipal. Chaque maire défendant sa mairie et sa politique municipale, quelquefois personnelle. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avancées, on pense au transport urbain, mais la dominante n'est pas vraiment là. On se fait mal à penser à la politique de l'eau en ce moment quand on lit ce type d'ouvrage. Bénéficiant de transferts de taxes et d'impôts communautaires, les communautés urbaines ont une manne d'argent qui attise les convoitises de tout le monde. Je veux dire les convoitises des maires, qui voudraient bien en profiter. Un exemple, le Grand Stade, l'État apportant 50% de fonds publics, le dossier est passé pour le plus grand bien de quelques communes qui ont négocié leur voie pour refaire leur piscine municipale, par exemple. Ah, évidemment, nous ne notons quand même dans le livre que ça ne fait pas toujours des heureux. À commencer d'ailleurs par le personnel des communautés urbaines, qui voit bien que l'intérêt communautaire est rarement une priorité. Une partie seulement de personnel qui justement fréquente les politiques, lui, se contente de la situation du consensus. Faut-il s'y faire? Consensus et cogestion sont de mise dans l'intercommunalité. Un petit florilège quand même pour expliquer. Ce maire UDF, quand j'ai été élu maire, j'avais une certaine fierté d'avoir été élu et de battre un maire de gauche. Depuis le temps qu'on se battait pour ça. Alors c'est sûr que ça fait un peu drôle ensuite de se retrouver dans la majorité de Pierre Mauroy à la communauté urbaine. Les militants n'ont pas trop compris d'ailleurs. Donc on ne parle pas trop dans la commune de la communauté de Lille. Un autre. Dans une petite commune, si le maire n'est pas en même temps conseiller communautaire, il n'a plus rien à faire. Si c'est simplement pour gérer les écoles, faire des mariages, remettre des coupes, ça n'a strictement aucun intérêt. Le petit pouvoir qui peut rester au maire se trouve dans son influence à la communauté urbaine. Un troisième, l'ambiance entre élus est en général plus facile et plus conviviale dans les structures élues au second degré. Et alors, la cerise sur le gâteau, la distance avec l'électeur facilite les rapports politiques. On ne peut pas faire mieux. On se rappelle comment, aux dernières élections municipales, quand le Parti Socialiste National fustigeait le Modem, Madame Aubry ralliait au second tour Richir pour conforter une victoire à peu près déjà acquise au premier tour, mais pour s'assurer une majorité plus confortable à la LMCU. Alors quoi? Avoir une majorité confortable, ça permet de faire de grandes choses? Oui, mais quand ça s'appelle le Grand Stade, on doute un peu. Quel sort sera fait à la politique de l'eau, René? Ça se discutera en bureau. Mais tu seras dans la rue, je le sais. Et nous aussi, d'ailleurs. Et si on croit ce qu'ont dit les auteurs, la régie publique serait plutôt défendue par les petites communes. C'est dire si notre campagne était justifiée, René, et le travail que tu fais au sein du collectif dans toutes les réunions municipales. Et demain? Eh bien, demain, le Big Bang annoncé par Sarkozy dans l'organisation territoriale qui s'attaquait aux millefeuilles, savoir les multiplicités des niveaux de décision, risque fort de faire pchit. Big Bang qui commençait par supprimer conseillers régionaux et conseillers généraux pour en faire des conseillers territoriaux, eh bien ça ne devrait pas changer grand-chose. Quant aux établissements publics de coopération territoriale, pas d'inquiétude pour les maires, la clause générale de compétence ne leur est absolument pas contestée. Petite évolution quand même, sur les listes des prochaines élections municipales, les candidats devront indiquer sur les professions de foi s'ils seront conseillers communautaires. Et ça risque d'être un peu sportif pour eux d'ailleurs. La politique confisquée, c'est le titre de l'ouvrage, j'y reviens. Eh bien, en creux, ce livre est un appel aux associations pour se mobiliser sur ces questions intercommunales. Car concluons avec les auteurs. L'intercommunalité, comme la démocratie, sont affaires trop sérieuses pour être laissés aux seuls élus. Eh bien, merci les amis, merci Christian, de très bons conseils de lecture. Je termine avec les rendez-vous militants d'Antoine, comme dit Christian. Ce calendrier militant est marqué par le deuxième anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon, survenue le 11 mars 2011. Une conférence intitulée « Nucléaire et bonne santé » sera donnée le mardi 5 mars à l'espace culture de l'Université de Lille-1 à Villeneuve-d'Ascq. Le lendemain, dans ce même lieu, à la même heure, un vernissage à propos du nucléaire sera suivi de la projection du documentaire « Dissonance ». Et surtout, une chaîne pour sortir du nucléaire sera programmée à Paris le samedi 9 mars suivant. Plus d'informations via chaînehumaine.org. L'association Nord Nature Environnement organise un départ groupé de la Mresse 23 rue Gosselet à Lille ce même jour à 10h, retour vers 21h30 en bus pour 18€ par participant. Réservation obligatoire auprès de Nicolas Buriez au 03 20 88 49 33, 03 20 88 49 33 ou via nicolas@nord-nature.org. Je répète, nicolas@nord-nature.org. Un autre thème majeur est le monde du travail, traité à travers le cabaret de l'Union à deux reprises et qui en plus se décentralise de Roubaix. Marin pêcheur entre deux rives reviendra sur les enjeux d'être pêcheur. Ce sera le vendredi 22 février de 19h à 23h à la maison Folie Beaulieu, 33 place Beaulieu à L'Homme. Puis travailler dans sa ville le vendredi 15 mars, toujours de 19h à 23h, au théâtre Aventure, 27 rue des Écoles à M. De son côté, le syndicat Agir contre le chômage organise un petit déjeuner militant le lundi 25 février de 9h à midi à l'agence Pôle emploi du 125 rue de Condé à Lille. Le ministère de l'Emploi du gouvernement socialiste a pris des mesures drastiques à l'aide de son plan stratégique, beaucoup plus contre le chômeur que contre le chômage, et non pas pour les aider réellement à retrouver un emploi dans leur secteur professionnel. Car son objectif est de faire baisser coûte que coûte le nombre de chômeurs en vue des élections municipales en 2014. Notons également deux autres rendez-vous importants. La naissance d'une dictature, film projeté le mardi 19 février à 19h30 à la gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille, avec la présence exceptionnelle du cinéaste Constantin Costa-Gavras. Deuxième rendez-vous, Tu l'ouvres Lance, simple jeu de mots, ou repérage et témoignage au pluriel, dans les cités minières du Pas-de-Calais en mutation-disparition. Que se trame-t-il derrière l'implantation du nouveau musée Louvre-Lens et le classement de certains corons au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ce sera le vendredi 22 février à 20h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Pour finir, deux anniversaires. Le premier, le mercredi 13 mars, pour le 10e anniversaire de la fin de la présomption d'innocence, remplacée désormais par la raison plausible de soupçonner que la personne contrôlée avait commis, était en train de commettre ou allait commettre un délit. Soit un fourre-tour législatif assez vague pour toutes les interprétations possibles, mais suffisamment précis pour toute arrestation éventuelle. Le second anniversaire, plus positif, le vendredi 15 mars, dans le cadre des 30 ans du CRDTM, ou Comité Régional contre la Dette du Tiers-Monde, avec la présentation du livre « La bio entre le business et projet de société ». Renseignements à prendre auprès de la Mresse, rue Gosselet à Lille, concernant le lieu et les horaires de ce dernier événement. Je n'oublie pas l'assemblée militante d'Attaque Lille, le lundi 18 février à 19h30, à la Mresse, 23 rue Gosselet à Lille, qui reviendra à propos de l'émission d'Angle d'Attaque d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce calendrier militant sur notre blog attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le samedi 16 mars de midi à 13h, s'intéressera à l'association Terre de Liens qui aide les travailleurs de la terre. Paysans il y a un siècle, agriculteurs 50 ans après, devenus depuis exploitants agricoles. Merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt. That's the way it is, we're right. équipe du pont.